font des Appalaches dans les vents égarés. Les jours où j'en arrache, il m'arrive de rêver aux étoiles qui échouent, au royaume des fous, au chant de l'oiseau qui flâne dans les monts. Aux arbres et aux pierres, aux brasiers qui soupirent, aux refuges et aux rivières quand le corbeau m'attire. Loin dans la forêt, loin dans le silence, où l'âme s'emplit de tout et de rien. Il me vient souvent l'envie d'y croire, simplement pour y croire. Il me vient souvent l'envie d'y croire, simplement pour y croire. Croire aux jours heureux quand il y aura d'en nourrir, la pluie qui tombera sur la terre assoiffée, l'abri tant promis pour tous les va-nu-pieds. Au bout du chemin, la main qui se souvient des fusils rouillés et la vie qui sourit parmi les fruits du cœur, la prière du déserteur dans la boue, dans l'argile, la fleur qui éclot au milieu des ruines et au milieu de tout. Il me vient souvent l'envie d'y croire, simplement pour y croire. Il me vient souvent l'envie d'y croire, simplement pour y croire. Une chanson d'année qui me colle à